Leçon 8. Huitième leçon. La capitale des Parisis. Première partie. Paul Delon n'est pas content. Comment allez-vous? Tout va bien? Moi, je ne vais pas bien du tout. Je voudrais aller dans un autre hôtel. Où je voudrais une autre chambre. Je ne peux pas faire de gymnastique dans ma chambre. Elle est trop petite. Il n'y a pas assez de place. Quand je regarde par la fenêtre, le spectacle est affreux. Une cour, un garage et pas d'arbres. Quand la fenêtre est ouverte, l'odeur est affreuse. Il y a des poubelles partout. Tout est laid ici.